passant. Les éclairs frappent le ciel flashant les passants. La foudre tombe sur la grande horloge. Au creux de la pénombre un monstre se loge. Les dents longues qui brillent dans la nuit. L'esprit de vengeance en lui. Des yeux lui s'il puisse le mal dans les diableries. Une sorte de sang inébranchable. Un animal du diable. Un penchant violent inébranlable. Instable. Ce dans ton sommeil qu'il viendra te tuer. Demain dans la rubrique des sais tu seras cloué. Les types à l'air et tout le monde éparpillé dans ta chambre. Le sang répandu sur le sol comme une pluie de cendres. Le mal a frappé et retourne dans les marécages. Aux abords de la ville hiberné dans un sarcophage. Le rage finira par se calmer au petit matin. Un meurtre de plus tatoué des mains du malin. How many MCs must I cut you down? I ripped around the pieces. Practice the art of war. I spit to my zone and get blown. Devenu une légende dans les environs. Les MC ont les glandes dans les bossiers en carton. Le strument repasser les bouffons d'une main de fer. Même un sac qui se laisse pas faire s'explose par terre en enfer. Sache que tu seras bien mal accueilli. À l'ouest les white MC finissent en bouillie. T'as saisi la cisaille et passe à te rendre visite. Sous l'orage c'est la catombe de la mort qui s'invite. Sorti des ténèbres la bête frappe aveuglément. Soit tu meurs sur le coup soit tu te transformes en démon. Pas de clémence pas de pitié que de la véhémence. Un démon aimant la violence, pas de sentiments. Village ils ont froid dans le dos lorsque l'ombre passe. L'herbe ne repousse pas toute forme de vie trépasse. La légende urbaine que personne n'est là pour raconter. Même avec de la magie noire et la meilleure des volontés. Démarté, Hakim Norbert, bon stratier bois 2-0-2-0-1.